Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. À en croire certaines archives sonores, il y avait dans les années 70 une espèce d'angoisse. Quelque chose qui avait un jour été structurant dans la vie quotidienne avait pour ainsi dire disparu de cette vie quotidienne. Ce grand absent avait un nom, le sacré. La plus grande partie de la population se passait très bien des grands récits d'explication du monde fournis par les traditions religieuses. La vie sociale prenait son autonomie, les croyances étaient peu à peu reléguées à la sphère intime. Sauf que d'autres formes de sacré demeuraient bel et bien et produisaient des phénomènes parfois surprenants. De la politique au mouvement sectaire, le détournement du sacré dans le monde moderne, c'est précisément le thème de cette émission de 1974, la septième d'une série de huit autour des aspects du sacré dans le monde contemporain. Aspect du sacré dans le monde moderne, une émission de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Aujourd'hui, détournement et substitution du sacré. Notre point de départ pour cette émission sera une réflexion formulée par Denis de Rougemont, selon qui nos contemporains, dans leur besoin inconscient de référence à quelque chose de plus grand qu'eux, dépassant leur temps personnel et individuel, ont tendance à charger certaines doctrines politiques du sacré qu'un monde quotidien leur refuse. La politique serait-elle un des domaines d'élection du sacré au XXe siècle? Une première réponse, celle de Jean Duvigneau. On peut dire qu'il y a eu un détournement du sacré par le pouvoir. C'est un phénomène très particulier. Le pouvoir politique, dans beaucoup de cas, a détourné à son profit le caractère sacré de l'exercice social, de la vie sociale, et s'en est servi comme principe d'autorité et de gouvernement. C'est ce qu'on appelle les sociétés charismatiques, des sociétés dont le principe du pouvoir est un principe presque mystique. Ça a été le cas de Hitler, mais ce n'est pas seulement le cas de Hitler. C'est le cas de bien d'autres sociétés où le roi ou le souverain, généralement le président ou n'importe quel leader, prétend s'arroger des droits, disons, religieux ou des droits de possession d'un humain, d'une caractère puissance. Un pouvoir de droit divin. Une sorte de pouvoir de droit divin, mais d'efficacité divine. Il peut parfaitement ne pas croire en Dieu. Il peut parfaitement ne pas du tout être un croyant, mais une sorte d'efficacité. Et je pense que dans beaucoup de cas, beaucoup de jeunes nations voient se développer un pouvoir de ce genre. Celui qui en sait plus que les autres et auquel il faut faire confiance, précisément parce qu'il en sait plus que les autres. Il est donc chargé d'une sorte de pouvoir mystique. Claude Javot, sociologue. Il existe encore des personnages charismatiques. Dans nos démocraties, il y en a peu. Parfois, certains leaders syndicaux deviennent charismatiques. Alors, je crois que l'émergence d'un charisme est propre à des sociétés qui ne sont pas au même stade de développement politique que les nôtres. Notre système, en général, empêche. Cependant, les masses médias, notamment la télévision, donnent à certains personnages une aura, une dimension que peut-être leur qualité propre n'aurait pas pu leur donner. Et certains personnages qui n'étaient pas politiques au départ deviennent personnages politiques grâce à l'impact qu'ils ont eu au travers de la télévision. Mais je ne sais pas s'ils sont sacrés. Je ne crois pas qu'il existe des monstres sacrés de la politique. Je crois que le général de Gaulle a été un des derniers exemples de monstres sacrés de la politique. Peut-être M. Kissinger, à l'heure actuelle, en raison de cette extraordinaire manifestation d'activité qu'il a dans tous les domaines, cette espèce d'ubiquité qu'il a, mais la légende est entretenue par les moyens de communication, a-t-il une espèce de dimension sacrée? Il y a un charisme kissingerien qui vraisemblablement ne restera pas dans l'histoire. C'est un personnage créé également par les moyens de diffusion actuels. Jean Duvigneau. Il n'y a pas de sacré s'il n'y a pas de regroupement humain. Ce qui expliquerait d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le pays le plus industriel du monde, on a vu se développer, depuis déjà fort longtemps, mais maintenant avec une intensité très grande, des sectes. C'est-à-dire des petits groupes où les gens se retrouvent entre eux et essaient de tenter de récupérer quelque chose. Ça peut être parfaitement de l'ordre des loisirs, il peut y avoir des sectes qui recherchent les joueurs d'échecs, il peut y avoir des sectes qui s'occupent de déviations religieuses et qui discutent sur l'orthodoxie, il peut y avoir des sectes politiques, il peut y avoir des sectes de n'importe quoi, mais il y a certaines sectes où les gens se retrouvent autour de certaines communions plus intenses et volontaires. Et là, nous entrons dans le domaine du sacré. Claude Hutzenberger a réalisé, sous le titre « La folie de Dieu », une série d'émissions de télévision consacrées à diverses sectes qui prolifèrent aux États-Unis, sectes où un mysticisme tantôt naïf, tantôt inquiétant, se teinte parfois de messianisme, le tout n'excluant pas une éventuelle récupération par l'ordre établi. J'ai passé, au moment du repérage, une soirée chez Tony et Suzy Alamo. Tony et Suzy Alamo, je ne parlerai que d'eux à propos de mouvements pentecôtistes, parce qu'il me semble qu'ils expriment en eux-mêmes suffisamment tout ce qu'on peut retrouver un petit peu partout aux États-Unis. Petit couple, une dame 65 ans, 60 ans, cheveux style Jane Harlow, star hollywoodienne des années 30, hein, visage fatigué, yeux chargés, les chairs un peu tombantes, enfin bref. Une vieille dame qui veut paraître plus jeune et qui veut paraître belle alors qu'elle l'aide, elle est laide au fond. Et son mari, type un peu sicilien, portant lunettes, affecté d'un strabisme divergent et des lunettes comme ça pour corriger ce truc, une espèce de visage un peu sévère, des difficultés d'élocution. Et ce petit monde, un beau jour, a découvert Jésus. Lui, il était dans le show business, elle était dans le show business. C'était il y a quelques années. Et ils prétendent, quand ils racontent leur histoire, qu'un beau jour, Dieu leur a parlé, leur a dit « Mais ce que vous faites est absurde, vous gagnez de l'argent dans le show business, vous gagnez suffisamment d'argent pour bien vivre, mais au fond, votre vocation, votre vie n'est pas là. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous récupériez précisément ces pauvres gosses qui sont dans les rues. Ces hippies, ces runaways, ces drop-out, hein, tous ces gosses qui sont partis de chez eux, qui sont comme ça sur la route et qui ne savent pas très bien où aller. Ils ont besoin que quelqu'un prenne soin d'eux. Et ils ont besoin que quelqu'un leur montre la voix de Jésus. C'est votre voix. » Et voilà, c'est Tony et Suzy Alamo, ce petit couple qui commence à récupérer des mômes, qui les nourrit, on ne sait pas comment, quand je leur dis « Mais où est-ce que vous prenez l'argent pour les nourrir ?» Parce que maintenant, il y en a 350. « Ah, je ne peux pas vous dire, tous les jours, on a ce qu'il faut. Mais comment faites-vous pour payer les factures ? Parce qu'on les paye, les factures. Ah ben, on reçoit des chèques, de l'argent, comme ça, dans des lettres. Il n'y a pas de problème, chaque jour, Dieu y pourvoit. » Oh, j'étais tout de même un peu confondu parce qu'enfin, la multiplication des petits pains, moi je trouve ça bien joli, mais au fond j'y crois tout de même assez peu. Et il ne voulait pas en démordre. Et un soir, j'étais donc chez ces gens-là, à l'issue du service, car ils font deux services quotidiens, un service de l'après-midi, et ensuite ils donnent à manger à ceux qui viennent assister au service. Un service absolument délirant, où on crie, où on se défoule, il y a une espèce de déclenchement de violence hystérique, mais sexuelle, véritablement, pendant 2 heures. Ça fait un peu penser à Wagner, ça fait un peu penser à Nuremberg, c'est extraordinairement éprouvant. Enfin, moi, la première fois que j'ai assisté à ce service, j'avais véritablement la chair de poule. Je pensais à l'affaire Manson, j'avais l'impression d'être au milieu d'une foule de personnages qui étaient tellement dépendants de Tony et Suzy à l'amour qu'ils auraient pu faire n'importe quoi s'ils leur avaient demandé. Vraiment, j'étais au milieu de tout ça avec mon assistante et on est tombé chez les sauvages, parce que vraiment, en Californie, à 45 km au nord d'Hollywood. Et puis, bon, après, on a repris nos esprits. Et au sortir de ce service, donc je disais, il y en a deux comme ça, il y en a un l'après-midi. Alors à l'issue du service, on donne à manger à ceux qui viennent, et puis il y en a un le soir, et à l'issue du service, on donne à manger à ceux qui viennent. Alors, nourriture végétarienne, ça aussi c'est révolutionnaire, hein, aux États-Unis, végétarien. Hein. On mange que des légumes, on mange pas de viande, parce qu'il faut pas tuer les bêtes. Et à l'issue de ce truc, on va dans leur maison, ils ont une grande maison, en haut d'une colline, on a le désert, tout près de San Fernando, comme ça. Et dans cette grande maison, avec des fauteuils roses, et des rideaux jaunes, et de la moquette verte, et puis tout ça, ça sent le mauvais décor des comédies des mauvaises comédies musicales, des mauvaises années 40. Il y avait un autre type qui était là, je ne savais pas qui c'était. Et cet autre type, eh ben c'était le conseiller du gouverneur réactionnaire de Californie. C'est un avocat. Et il commence à me dire, mais vous savez, moi j'ai découvert Dieu. Moi j'ai découvert Dieu. J'ai grâce à Tony, à Suzy, à l'amour, je sais enfin ce que Dieu signifie. Ma vie maintenant a un sens. Et on a continué à parler comme ça, avec d'une manière très agréable, hein, en buvant un petit verre. Et il m'a dit, vous allez continuer votre enquête, j'imagine, dans le nord de la Californie. Notamment du côté de San Francisco. Je dis oui. Il m'a dit, bah, écoutez, oh, vous savez, moi je connais bien la France. J'étais en France pendant quelques années. J'étais pour la CIA. Il m'a expliqué qu'il était pour la CIA en France, qu'il avait été comme ça pendant un moment, et qu'il avait d'ailleurs un bon copain qui se trouvait précisément du côté de Berkeley, là, du côté de San Francisco, auquel il pouvait m'envoyer, qui me recevrait bien, qui est un type qui s'occupe beaucoup des mouvements de Jésus, précisément, qui récupère les jeunes. Alors, il m'a pas dit que lui aussi, il était de la CIA ou un ancien de la CIA en haut. Mais, enfin, c'est tout de même curieux que ce type qui était de la CIA à Paris, ensuite est le conseiller, un des conseillers, parce qu'il en a plusieurs, un des conseillers juridiques, n'est-ce pas, du gouverneur de la Californie, m'envoie un copain qui précisément s'occupe des jeunes, de la récupération des jeunes, d'un mouvement religieux. M'envoie à lui. Et il m'a pas dit qu'il était de la CIA, mais enfin, bon, écoutez, y a tout lieu de penser que ce type, je peux pas le garantir, mais il y a tout lieu de penser que ce type avait, s'il n'en faisait pas partie, pas plus que lui n'en faisait plus partie. Mais enfin, il est probable qu'ils avaient tout de même un certain nombre d'atomes crochus, enfin, quoi, soyons sérieux. Jacques Grandmaison, professeur de théologie à Montréal, s'interroge sur le caractère sacré de certaines manifestations collectives et de certains mouvements politiques du continent nord-américain. Évidemment, tout de suite, quand on pense sacré, on pense absolu. Mais moi, j'aime mieux parler de totalisation de l'expérience humaine, dans la mesure où je situe le sacré à l'intérieur de la démarche de la religion comme telle, qui précisément cherche à assumer un destin, non seulement dans son contexte historique, culturel, mais jusque dans ses plus lointains horizons. Récemment, un étudiant à l'université me disait dans des termes vraiment nord-américains, le sacré pour moi, c'est ce qui me charrie. T'sais. Il prenait un terme anglais aussi, c'est ce qui me drive. T'sais. Alors, c'est un petit quelque chose qui me charrie. Alors, il y a une autre connotation là qui s'ajoute. Hein. C'est vraiment la dynamique déterminante de l'expérience. Alors que si on le situe maintenant dans son contexte religieux, là, c'est vraiment l'aspect de totalisation. On pourrait exprimer ça un petit peu comme ceci, à savoir que chez les individus comme chez les peuples, vous avez l'histoire tout court, avec ses événements vérifiables, que ce soit la biographie des individus ou l'histoire des peuples. Il y a eu toujours dans les sociétés une espèce d'histoire sacrée au-dessus de ça. Même dans des sociétés aussi récentes, lorsque, par exemple, on lit l'expérience de la révolution culturelle chinoise, on se rend bien compte que certaines expériences très fortes qui ont été vécues par toute la collectivité chinoise depuis quelques années ont été coiffées de toute une histoire sacrée. Souvenons-nous, par exemple, de cet ensemble de communes qui avaient transporté une montagne en vue de tout un travail d'aménagement rural. Il s'est fait toute une espèce de grand poème mythique à cette occasion-là, montrer comment c'est profond de relier une expérience historique à une espèce d'histoire sacrée. Ça, c'est fondamental. Parce que pour comprendre des choses qui se passent actuellement au plan, soit de la perversion du sacré ou du déplacement des contenus du sacré ou des substituts du sacré, je pense que c'est une chose qu'il faut saisir. Vous avez parlé, vous venez justement de parler de perversion du sacré, de substitution du sacré, étant entendu comme une espèce de totalité, histoire des événements qui se coiffent d'une espèce de mythologie ou d'histoire sacrée, ou d'histoire sainte quand il s'agit de religion. Au Québec, ici, est-ce que vous pouvez identifier certaines perversions de ce sacré-là, dans la mesure où certains mouvements, qu'ils soient politiques ou autres, peuvent revêtir certains aspects de cette histoire sainte sans toutefois la remplir complètement? Je vais partir d'un exemple tiré d'une recherche que j'ai faite dans un milieu d'usine. Je me rappelle un soir, dans une interview, j'avais rencontré un travailleur qui était dans son sous-sol, devant son appareil de télévision. Et puis, il me racontait à peu près ceci. Il dit, tu vois, moi ici, c'est tout mon univers d'aspiration, de rêve. On a un exemple, là, d'une perversion du sacré dans la mesure où toute cette projection dans laquelle il vivait était tout à fait étrangère à sa vie réelle. Là, vous avez une véritable perversion du sacré, parce que d'un sacré là, vraiment qui aliène, et non pas un sacré qui vous dynamise, qui vous amène vers une totalisation, qui vous fait vivre, là. C'était vraiment une expérience d'un sacré d'aliénation. Hein. Puis ça l'amenait jusqu'à dire, je ne suis jamais moi-même. C'est-à-dire que c'était totalement décroché de sa propre réalité. Ouais. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, cette histoire tout court en dialectique avec l'histoire sacrée. Or, si vous regardez certains phénomènes collectifs, par exemple le sport, je ne sais pas comment en Europe on vit cette dramatique du sport, mais ici en Amérique du Nord, vous avez toute une dramatique du sport qui, à la limite, devient une grande mythologie, avec ses idoles, avec ses événements, son rituel, avec ses événements inattendus. Enfin, toute une série de composantes d'une histoire sacrée. Alors, vous avez un phénomène collectif, quand les journaux populaires du matin, par exemple, Il y a plus de la moitié des pages sont consacrées au sport. Voici une espèce de substitution au plan de la quotidienneté, hein, parce que dans la mesure où les liturgies populaires de la chrétienté sont disparues, avec leurs rituels, avec leurs fêtes, j'ai l'impression que chez les Québécois, il y a des tentatives de substitution. Je vous en donne une au plan de la quotidienneté. Maintenant, il y a des substitutions beaucoup plus larges. On s'attarde un peu au sport. Est-ce que vous pensez que chez le Québécois, c'est très fort, par exemple, je pense au hockey, qui est un sport presque national canadien-français? Ah, c'est que ça a pris une dimension mythique vraiment extraordinaire. Quand on pense, je regardais les statistiques récemment, là, durant la phase maximale de ce qu'on appelle la Coupe Stanley, là, les finales, on calcule qu'il y avait 75% entre 75 et 80% des Québécois adultes, y compris les femmes, là, hein, qui était devant la télévision. Ce qui rattrape presque le pourcentage de Canadiens français qui auparavant allaient à la messe le dimanche matin. Ah oui, c'est des événements, des fêtes religieuses, c'était à peu près la même mobilisation. Le professeur Léo Moulin a étudié longuement avec ses étudiants les rapports entre le sacré et les institutions civiles. Je crois que dans une société qui a été profondément transformée par l'éminence, par l'éclatement, la présence toute puissante et triomphale de la science, de la technologie, des idées de progrès pendant toute l'idéologie du XIXe siècle, l'homme s'est retrouvé privé de sa ration quotidienne de sacré. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est pas seulement que la politique est investie par le sacré, c'est que tous les actes de la vie, tous les moments de la vie sont investis par le sacré. Bien entendu, la politique, dans la mesure où elle fait appel à des idéologies, c'est-à-dire de grandes constructions qui sont obligées de faire appel par la force des choses, non pas seulement au pur raisonnement des hommes, mais à ce qu'il y a de plus profondément affectif en eux, hein, leurs espoirs, dans leurs terreurs, dans leur volonté plus ou moins consciente de construire quelque chose de mieux qui soit l'équivalent d'un paradis perdu ou d'une utopie qui devra s'imposer tôt ou tard. Dans ces conditions, le sacré est beaucoup plus présent parce que cela correspond à l'intégralité de l'être humain et qu'on ne peut pas s'adresser à l'homme comme on pourrait s'adresser à une association de minéralogistes où on ferait une communication très savante, très sage, très mesurée. Encore faudrait-il faire quelques réserves sur le degré d'objectivité des savants les plus prétendument objectifs. Enfin, normalement, dans des milieux de cet ordre-là, l'objectivité est reine. Dans le domaine de la politique, on ne peut pas faire appel à ce qu'on appelle l'objectivité, l'impartialité, se conduire comme si on était extérieur à la société dans laquelle on vit. D'où alors la présence de grands mouvements religieux qui ont formé, informé et déformé notre monde, qui l'ont dévasté bien souvent. Je pense, disons, soit au communisme tel qu'il a été vécu par les intellectuels, disons, français des années 30, ou le fascisme, où l'on retrouve un même nombre d'intellectuels de l'autre côté qui étaient tout aussi engagés. Il y a là une démarche qui dépasse évidemment le seul raisonnement raisonnable, scientifique, objectif, enfin, tel qu'on peut l'imaginer, dans le cas, je répète, d'un homme de science exacte. Ça prouve simplement que ces intellectuels avaient un besoin profond de croire, au sens fort du mot, et ne pouvant plus croire à ce qui avait été démystifié par leur propre action, à savoir les religions révélées, ils ont créé des religions séculières. Quand un London, qui a souffert, ce que vous savez, se voit interroger, on lui demande « Et maintenant, que pensez-vous du communisme ?» Il dit « Mais j'en pense beaucoup de bien. » Est-ce qu'on dit du mal de sa mère? Il est évident que l'identification d'une mère, qui peut d'ailleurs être critiquable aussi, elle, en fait, qui n'est pas dans l'esprit de London, ce qui est curieux d'ailleurs, c'est un archétype qui remonte à la surface, quand on identifie la mère avec un parti politique, bien, on s'avance vers des formes de sacralisation de la vie politique. Je ne parle même pas du Führerprinzip, etc. Là, c'est quelque chose de démentiel, bien entendu, qu'on puisse dire il y a un homme qui possède toute la vérité. C'est déjà sur le plan d'une religion purement séculière, d'une démarche rationalisante en plein XXe siècle, quelque chose d'aberrant. Mais sur le plan même simplement quotidien où se place London, enfin, identifier la mère et le parti, c'est quelque chose d'inouï. La phrase de Sartre, « Je ne veux rien dire qui fasse pleurer l'ouvrier d'Aubervilliers ». Mais qu'est-ce que cela signifie? Nous avons fait, je dis nous, puisque moi je suis un matérialiste et j'ai été formé dans cet esprit de lutte agnostique, enfin, n'est-ce pas, etc. Si, après avoir fait ce violent effort de démystification, n'est-ce pas, à l'égard d'une religion révélée, en prévoyant bien entendu que cette démystification ferait pleurer les vieilles qui croyaient au petit Jésus, ferait pleurer les êtres les plus purs, les plus intègres, qui croyaient à une religion révélée. Nous avons accepté cela, dans toutes ses conséquences. Et puis on nous dit que sur le plan purement matériel, nous ne pouvons pas faire pleurer l'ouvrier, nous ne pouvons pas enlever à l'ouvrier d'Aubervilliers ses illusions. Et pourquoi? C'est ce que nous avons voulu faire. Notre conception prométhéenne de l'homme, ou même luciférienne dans l'esprit de Karl Marx, car Karl Marx confondait très volontiers Prométhée et Lucifer, n'est-ce pas? Il se voulait luciférien, il se voulait prométhéen. Notre conception prométhéenne impliquait cette démystification totale jusqu'au bout. Mais on voit que les gens s'arrêtent. Ce serait trop horrible, m'a-t-on dit un jour, si vous aviez raison. Mais peu importe. Si on est de ce côté-ci de la barricade, si nous refusons le sacré sur un certain plan, il faut le refuser jusqu'au bout. Il ne faut pas sacraliser la mort, ni le sacrifice, ni le progrès, ni le prolétariat, ni le parti, enfin, n'est-ce pas? Le parti, c'est une association d'intérêts, enfin, animée non pas par une foi, mais par un certain nombre de conditions de combat, une certaine façon de voir le monde. Et dès que je dis une certaine façon de voir le monde, et on constate tout de suite que cette façon, n'étant certainement pas scientifique au sens strict du mot, draine derrière elle toute une série de facteurs qui sont sacralisants. Je crois que c'est vers cette situation que s'oriente notre société. Et je n'ai pas seulement sur le plan politique, même remarqué des notions politiques telles que l'Assemblée, la majorité, la gauche, la droite, le genre de discussion. Mais alors, vous n'êtes pas de gauche? Mais alors, vous n'êtes plus de droite? Et alors, où serait le drame après tout? Et qu'est-ce que la gauche et la droite si on ne mythifie pas la gauche et la droite? Qu'est-ce que la majorité? Qu'est-ce que le 19e siècle a pu écrire sur ce qu'était la majorité? C'est inouï, n'est-ce pas? Pendant des siècles, l'Église fait un effort pour dégager la notion de majorité, en fait une technique. Et au 13e siècle, se dit après tout la meilleure façon de se mettre d'accord sur les problèmes où il y a des accords, et le désaccord lui-même n'est pas répréhensible, c'est de recourir au nombre. Le nombre ne suffit pas peut-être grand-chose, mais enfin, c'est encore la moins mauvaise des techniques. C'est une présomption de seniorité, de qualité. Bon, et puis ça s'arrête là. Au XIXe siècle, à la suite de Jean-Jacques Rousseau, vous voyez, la notion même de majorité, ou de pluralité, comme on disait encore au XIXe siècle, au début, la notion même de majorité se nimbait d'une auréole extraordinaire. La majorité ne se trompe jamais. La majorité obéit aux lois divines, car elle est l'instinct du peuple, etc. On pourrait citer d'innombrables textes de cet ordre-là, enfin, n'est-ce pas? Tout s'agrandit au contact des assemblées. L'assemblée purifie l'homme, il n'y a plus de gredin, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela, enfin, n'est-ce pas? L'intelligence elle-même s'échauffe, etc. C'est très émouvant parce que ces gens-là sont montés sur les barricades de 1848 ou 1871 parce qu'ils avaient ça en tête. Mais vous voyez, on ne meurt au fond que parce qu'on a des idées aussi fausses en tête. N'est-ce pas? C'est cela. Or, mourir pour des raisons pareilles signifie que ces raisons apparaissent comme quelque chose d'autre que ce que le simple raisonnement pourrait nous faire dire. « C'était Détournement et substitution du sacré, une émission de Marcel Kreuss avec des témoignages de Jean Duvigneau, Claude Javot, Claude Hutzenberger, Jacques Grandmaison et Léo Moulin. Collaboration Jean-Rizer Nadal, Jean Rocroy. Réalisation Ronald Tenen, collaboration technique André Thompson. Aspects du sacré dans le monde moderne est une série d'émissions de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Cette émission était la 7e d'une série de 8, première diffusion sur France Culture le 17 août 1974. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture. Planté dans le sol, il y a